ubuganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida busabye ko umuntu wese aba muri kino gihugu ko yoza arasuzuma mu muryango wiwe canke mu kibano ko atabana bari munsi y'imyaka 15 bafise ibimenyetso by'indwara y'ubukangwe canke ko atabana n'abakuze boba bafise ibimenyetso by'indwara y'agasama. Bonsoir chers auditeurs, auditrices et merci de nous rejoindre dans ce journal. En voici tout de suite les titres. À l'occasion de la journée internationale dédiée à la culture du café ce 1er octobre, Faustin Dikoumana, directeur du PASEM, déplore que la production et la qualité du café a drastiquement chuté. Il plaide pour la préservation de sa qualité, vous l'entendrez. Et dans cette édition, on évoquera les feux de brousse qui ont repris dans la province d'Ongalo au cours de la saison sèche dernière, par rapport aux deux dernières années. Environ 68 hectares des collines ont été détruits dans cette province. C'est dans plus de 50 de la commune Bissolo, vous aurez les détails. Et dans la chronique nutrition de ce dimanche, on vous parlera de l'utilité de la grenade dans la prévention contre certaines maladies comme la grippe. Voilà pour les titres. Doré Bingabile, je suis à la présentation. Alphonse Kougimana assure la mise en onde. Dans un instant, les détails. Isanganiro, la radio. Bienvenue encore. L'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PASEM plaide pour la révision du prix du kilogramme du café pour les caféiculteurs ainsi que la préservation de sa qualité. À l'occasion de la journée internationale dédiée à la culture du café ce 1er octobre, Faustin Dikoumana, directeur national de cette organisation, déplore que la production, de même que la qualité du café, ont sensiblement chuté. Suivez-le. Le café constitue le premier produit d'exportation au Burundi. C'est le produit qui a généré beaucoup de devises dans le passé et qui a pu contribuer dans l'équilibre de la balance des paiements. Mais maintenant, nous constatons une chute vertigineuse de la production du café, la quantité, mais aussi la chute au niveau de la qualité, ce qui altère vraiment la capacité de l'État de mobiliser les devises à partir de la production du café. Maintenant, on constate que la culture du café a subi beaucoup de changements au niveau de sa gestion institutionnelle. La culture du café a été d'abord gérée par l'État et puis il y a eu le processus de privatisation. Maintenant, c'est l'ODECA qui est en charge de la culture du café, toute la filière. Mais nous constatons aussi que la production maintenant n'a pas augmenté parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas changé, qui ont entravé la production du café depuis longtemps. C'est l'intéressement notamment de l'agriculteur du café parce que actuellement, il constate que le prix appliqué n'est pas à la hauteur de la rémunération, de l'effort fourni pour la production du café. Les intrants du café ont manqué. Le remplacement des plants du café n'a pas suivi comme ça a été souhaité au moment des grands rendez-vous de réflexion pour l'augmentation de la production du café. Parce que aussi, on continue à constater que les intermédiaires dans la gestion de la filière continuent à exiger des coûts élevés quitte à ce que le producteur en soi ne reçoit pas la rémunération qui lui est due à partir de l'effort fourni. C'est pour cela que Parce me recommande que le producteur actuellement soit mis en avant, il faut que sa rémunération soit à la hauteur de l'effort fourni. Il faut aussi que les intrants, le remplacement des plantations de café soit une réalité effective. Il faut aussi tabler pour que la qualité du café soit encore une fois comme elle était auparavant. C'était Faustin Dikoumana, directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Poursuivons cette édition par cette page justice. Le président du tribunal de résidence de la commune Mugamba en province Bururi est dans la prison de Bururi depuis ce vendredi. Selon les informations en provenance du parquet près la cour d'appel de Bururi, il est poursuivi pour avoir autorisé l'exécution d'un jugement à l'insu de cette cour d'appel qui avait traité et clôturé le dossier. Il rejoint dans cette prison son collègue injusticiable dans ce procès et un greffier de la cour d'appel de Bururi poursuivi pour le même dossier. Denon Nzambimana nous fait le point. Le président du tribunal de résidence de la commune de Mogamba est arrivé dans la prison de Bruli le soir de ce vendredi. Selon les informations en provenance du parquet près de la cour d'appel de Bruli, il est accusé d'avoir autorisé l'exécution d'un jugement concernant un conflit foncier entre son collègue du même tribunal et un autre de la même commune, à l'insu de la cour d'appel de Bruli qui avait traité et clôturé le dossier. Les mêmes sources disent qu'une copie de jugement utilisée dans la mise en exécution de ce procès n'était pas signée par la cour d'appel de Bruli qui avait traité ce dossier. Vous saurez quand greffier de cette cour d'appel de Bruli, de même que son juge du tribunal de résidence de Mogamba, qui était parmi les justiciables dans ce dossier, sont également dans la prison de Bruli depuis ce mardi. Ce greffier est poursuivi pour avoir délivré à ce justiciable cette copie de jugement sans signature et sans cachet. Mais ce greffier rejette toutes ces accusations, selon les informations en provenance du parquet près de la cour d'appel de Bruli. Depuis Bruli, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. À 18h07, à Bujumbura et dans le studio de la radio Isanganiro, l'actualité nationale continue. Page environnement. Le phénomène des feux de brousse s'est accentué en province Mwéalo au cours de la saison sèche dernière, comparativement aux années antérieures. Jean Bosco Ndendeke est responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement dans cette province de Mwéalo, dit qu'environ 78 hectares ont été emportés par les feux de brousse au cours de cette période. Il signale que les auteurs et les mobiles de ces actions ne sont pas encore connus. Laurent Dicourillo. Selon Jean Bosco Ndendeke, le responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBP en sigle, en province Mwéalo, le phénomène de feux de brousse avait presque disparu dans cette province au cours de ces deux dernières années. Pour lui, la politique de stabilisation permanente du bétail y était pour beaucoup, étant donné que les auteurs de ces feux de brousse le font à la recherche des pâturages. Il indique qu'au cours de la saison sèche dernière, le phénomène de ces feux de brousse a repris. Jean Bosco Ndendeke dit qu'environ 78 hectares ont été décimés par ces feux de brousse dans toute la province de Mwéalo. La commune Bisoro vient en tête avec plus de 50 hectares incendiés sur les collines. Il ajoute que les motifs de ces feux de brousse, tout comme leurs auteurs, ne sont pas connus. Il pense que ce sont des faits criminels qui sont à l'origine de ces feux de brousse. Il conseille aux auteurs de ces feux de brousse de renoncer à ces agissements car le code forestier aujourd'hui en vigueur au Burundi interdit les incendies sur les collines. Il fait un clin d'œil à tout éleveur qui sera attrapé en train de faire paître du bétail dans ces espaces incendiés, qui sera sévèrement puni conformément à la loi. De moi, Laurent Dicourillo, Radio Isanganiro. Merci à toi, Laurent. L'allocation des palmeraies sur une longue période est l'une des principales causes de la perpétuelle diminution de la production palmicole au Burundi. Tels sont les propos de Festus Chiza, président de l'Alliance pour la promotion des palmiculteurs du Burundi, lors d'un point de presse ce vendredi à Rumonge. Pour lui, l'administration locale devrait s'y investir pour stopper ces actes. Jean-Pierre Misago. Sur base d'un exemple d'un palmiculteur qui fait louer sa palmeraie sur une période de 5 ans, Festus Chiza, président de l'Alliance pour la promotion des coopératives palmicoles du Burundi, démontre que la palmeraie en question n'est plus bien entretenue. En effet, selon Festus Chiza, son propriétaire ne va pas la fertiliser, une action qui profiterait au locataire. Non plus, le locataire ne va pas fertiliser cette palmeraie de peur que le propriétaire ne résilie le contrat de location à la vue des produits de cette fertilisation. Pour le président de la Procop Burundi, l'administration locale devrait être vigilante et être favorable aux cas sollicitant l'arrêt de ce genre de contrat. Ainsi, le président de la Procop Burundi estime que les familles des palmiers seront stables financièrement et même les conflits qui naîtraient entre les descendants des deux familles seront évités. Cela, il la demande à l'État de valoriser le palmiculteur sont certains des points évoqués lors de l'Assemblée générale de cette alliance à Rumonge ce vendredi. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci également à toi, Jean-Pierre Misago de Lumonge, dirigeant nous à Kayanza pour parler élevage. Certains des cuniculteurs en province Kayanza indiquent que l'élevage des lapins leur sont d'une grande importance. Certains parmi eux affirment d'ailleurs qu'ils peuvent gagner au moins 30 000 francs par mois avec la vente des lapéros. Les éleveurs des lapins déplorent toutefois que beaucoup de vétérinaires ne disposent pas de connaissances suffisantes sur la santé animale des lapins et demandent qu'ils soient formés en la matière. Adela Nyonsaba, directeur du bureau en charge de la protection de l'environnement, agriculture et élevage à Kayanza, appelle tous les habitants de cette province à la pratique de la cuniculture. Patrick Nsengiyumba. Certains des cuniculteurs à Kayanza avec lesquels nous nous sommes entretenus au sujet de l'élevage des lapins ont indiqué que non seulement la production de ces animaux est rapide, mais aussi qu'elle est forte. Nakarutimana Anita, une femme de 30 ans qui élève des lapins en commune Kayanza, estime qu'elle peut gagner au moins 35 000 francs mensuellement avec la vente des lapéros. Dushimimana Eric, un jeune de 24 ans, dit qu'il élève aujourd'hui 5 lapins, mais qu'il compte multiplier ses animaux d'ici fin d'année en cours, allant jusqu'à 40 lapins. Toutefois, ces éleveurs des lapins en province Kayanza déplorent le manque de vétérinaires qui maîtrisent la santé animale des lapins pour les soigner en cas de maladie. Ils demandent que le gouvernement burundais puisse prévoir des formations sur la santé animale des lapins pour ces vétérinaires communaux. Au niveau du bureau en charge de la protection de l'environnement agriculture et élevage en province Kayanza, on apprécie positivement que la plupart des habitants de cette province s'adonnent beaucoup à la cuniculture. Adelan Nyonsaba, directeur à ce bureau, conseille aux éleveurs des lapins de bien conserver aussi les urines des lapins, expliquant que les études liées à l'usage de ces urines comme de la fumure sont en cours et qu'elles sont d'ailleurs à un stade satisfaisant. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumba pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La grenade serait utile pour prévenir la grippe et combattre la toux en raison de la présence de vitamine B6 en grande quantité qui renforce le système immunitaire, ainsi que des actions antibactériennes et antivirales du tanin dont elle regorge. Selon le chercheur nutritionniste Jean-Paul Wineza, elle est riche en vitamine C, E et aussi en vitamine du groupe B et a peu de calories. Le jus de grenade participe à la réduction des risques de maladies cardiovasculaires. Je vous invite plutôt à suivre cette chronique nutrition sur la grenade avec Jean-Marie Mayonga. Le fruit appelé grenade est riche en vitamine C, également en vitamine E. Selon Jean-Paul Wineza, chercheur nutritionniste, ce fruit participe à réduire les risques de maladies cardiovasculaires. La grenade contient une quantité d'hydrate de carbone faite sous forme de sucre et supérieure à 15,6%. La grenade est assez riche en vitamines, surtout vitamine C, vitamine E, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2 et de niacine, ou encore appelée vitamine B3. Il ne contient pas de bêta-carotène, c'est-à-dire la vitamine A. Les minéraux les plus abondants sont le potassium et le cuivre, ainsi que le fer. Ce fruit contient aussi des substances dont notre organisme a besoin, qui intervient pour lutter contre les vers intestinaux, selon Jean-Paul Wineza. La grenade contient une autre substance qu'on appelle anthocyanine. Ce sont des pigments végétaux de couleur rouge appartenant au groupe de flavonoïdes. Aussi, la grenade contient ce qu'on appelle pelletéine. Cette substance alcaloïde a une action vermifuge qui fait expulser les parasites intestinaux qui se trouvent surtout dans l'écorce de la racine de l'arbre. Quand on utilise des racines de cette plante, peut soigner beaucoup de vers intestinaux. Toujours ce chercheur dit que ce fruit peut être mélangé avec d'autres fruits pour préparer des salades ou des jus. Ça peut se manger et à faim. On peut utiliser la grenade en la mélangeant avec d'autres fruits. Et on peut la manger seule comme ça et à faim. Et ça peut donner beaucoup de bienfaits. Ça peut même être extrait du jus. Il est très rafraîchissant et savouré, il est facile à obtenir. Ça peut être utilisé pour fabriquer le sirop, qui est obtenu après avoir fait bouillir le jus de grenade dans du sucre, comme le miel, ainsi de suite. La grenade est le fruit des grenadiers, un arbre originaire de Perse. On la récolte depuis plusieurs siècles, surtout le pourtour méditerranéen, ainsi qu'en Asie centrale. Et c'est par ici que s'achève cette édition. Merci encore pour votre attention et fidélité. Au micro, vous étiez avec Doré Bengabide. Alphonse Koukiman a assuré la mise en onde. Je vous souhaite une très belle soirée et bon vent pour ce nouveau mois d'octobre. Au revoir.